Chapitre 9e. Le lendemain, de très bonne heure, Germaine revenait à l'hôtel. Sur le siège se tenaient les deux hommes sans livrée qui l'avaient accompagnée au cabaret de Lichamor. À peine la voiture fut-elle passée sous la voûte que le concierge, très ému, accourait levant les bras après avoir jeté un balai et une éponge dont il se servait pour laver à grande eau le passage couvert. « Ah, madame, quel malheur » disait-il d'une voix entrecoupée. « Cette nuit, des voleurs, tout est saccagé là-haut, le coffre-fort ouvert, les valeurs enlevées, du sang partout !» Germaine pâlit et s'écria. « Peu importe l'argent, mais les papiers, les documents !» L'un des deux hommes, le plus petit, le plus jeune aussi, saisit le concierge par un poignet. « Vous les avez laissés entrer, dupes ou complices ?»« Mais monsieur Jean !» « Il n'y a pas de monsieur Jean qui tienne. Vous deviez veiller. On vous a roulé. Vous allez quitter le service de madame, et plus vite que ça. Toi, Mathis, fais dételer les chevaux. Installe-toi à la loge, et ouvre l'œil de jour de nuit sans relâche. Quant à vous, monsieur, un tel, on va vous régler de suite votre compte, et vous allez déquerpir d'ici un quart d'heure. » Le pipelet, se voyant ainsi malmené, voulut protester. « Ah, c'est comme ça. Faudra voir. Espèce d'intendant à la manque. Et puis j'en ai assez, moi, du bousingo. » L'ignoble mot sortait à peine de ses lèvres qu'une effroyable paire de gifles lui tombait sur les joues, avec ce bruit bien caractéristique d'assiette cassée. « Un mot de plus, et je vous assomme !» gronda le jeune homme d'une voix menaçante. « Et tâchez de vous taire, hein, de ne pas gueuler ou de faire les potins. Une sale histoire nous arrive par votre faute. Car vous ne ferez pas à croire qu'on entre dans une maison close comme celle-ci et qu'on en sorte sans que le concierge y consente. Oui, une sale histoire qui pourrait bien vous faire coucher au dépôt. » « Jean, venez, » interrompit Germaine, « j'ai hâte de voir. » Le jeune homme s'inclina respectueusement, puis suivit Germaine, qui traversa lestement, d'un pas nerveux le hall, monta l'escalier et arriva dans le boudoir. Alors, celui que le concierge ne connaissait que comme l'intendant s'écria « Germaine, ma bonne Germaine, c'est affreux. Le piège a opéré. Un voleur a été pris. Une jambe coupée au fond du trou. Ah, quel malheur d'avoir écouté les prières de ce concierge, de l'avoir conservé en achetant la maison. Bobino, mon ami, le mal est fait. Voyons s'il n'est pas irréparable. D'abord, qui est le voleur? Dites, quels sont les voleurs? N'en voulait-on qu'à l'argent? Je l'espère encore. Veuillez passer dans votre chambre. Je vais détacher le piège et retirer cet horrible débris. Faites, mon ami. Je vais réfléchir pendant ce temps. Bobino, demeuré seul, tourna en sens inverse les boutons à lettres, puis ferma la porte du coffre-fort en pesant fortement sur la clé. Un claquement sec se fit entendre et le jeune homme, se parlant à lui-même, dit « Ça y est. » Avec un écœurement qu'il pouvait à peine surmonter, il retira de l'ouverture sombre le membre mutilé, tout froid, d'une horrible couleur bise, avec une section rouge des résidus de sueur d'os. Il examina le bas du pantalon en étoffe commune, la chaussette en coton, sans marque, et la bottine défraîchie presque usée. Le pied était énorme, plat, vulgaire. Il coupa la bottine, enleva la chaussette et vit des ongles sales et des orteils crasseux. Ce n'est pas lui. Quelque complice ou peut-être un voleur ordinaire. Cependant, un cambrioleur se serait laissé prendre et n'aurait jamais pu se résoudre à une pareille mutilation. Cela me sent terriblement sur mon Dieu. J'irai déposer ça ce soir près de l'Arc de Triomphe. Ça fournira aux agents de la matière à procès-verbal et aux reporters de la copie. Il revint près de Germaine, qui anxieusement l'attendait. « Eh bien ? » lui demanda-t-elle. « Qu'avez-vous découvert ?»« Pas grand-chose. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne crois pas que ce vol soit autre chose qu'un dommage matériel. »« Puissiez-vous dire vrai ?»« Seulement, il ne faudra plus que jamais ouvrir l'œil. Je vais liquider le concierge. Et, si vous le permettez, votre femme de chambre. Il faut la remplacer par cette brave Jeanne, la femme de Mathis. » « C'est que nous avons grand besoin d'elle là-bas. »« Sans doute, mais vous ne devez avoir près de vous que des gens de confiance. Quel malheur de ne pouvoir être ici et là-bas. Ah, Germaine, ma bonne Germaine, quelle terrible chose vous avez entreprise. Et quoi, vous, un homme, vous hésiteriez? Non, mais j'ai peur quand je vous sais seule, presque isolée. Allons, courage, c'est à peine si la lutte est entamée. Elle sera terrible. Hâtons-nous de frapper les premiers coups et d'ébranler l'ennemi avant qu'il ne soit prévenu. Occupons-nous sans tarder de Marquisette. Vous croyez que c'est là le nœud de la situation? C'est de là que nous viendra la lumière. Comptez-vous retourner près de la mère Bachue? Non, ce serait une imprudence. Vous irez vous deux, Mathis, et bien armés. Quand? Aujourd'hui même, ou demain au plus tard. Pensez donc, si c'était lui qui eût fait ouvrir le coffre-fort. Il faut donc le gagner de vitesse. Malheureusement, ce projet ne put être mis de suite à exécution. Germaine avait promis à la vieille 5 000 francs. Les voleurs, ayant enlevé tout ce qu'elle avait de disponible, il fallut aller à la Banque de France, opérer le retrait d'une somme assez considérable pour faire face à toutes les éventualités. Cela prit un certain temps, employé en allées et venues, bref, la journée entière y passa. Le lendemain seulement, Bobineau et son camarade Mathis purent se rendre à Herblay et obtenir de la mère Bachue ce renseignement si précieux auquel Germaine tenait par-dessus tout, et qu'elle n'hésitait pas à acheter à prix d'or. Bobineau craignait qu'il n'y eût du tirage, bien qu'il fût porteur, comme il le disait, de la forte somme. L'affreuse vieille fit en effet des difficultés, et finalement céda, moitié sous l'empire de la menace, moitié par cupidité. Donnant, Bobineau lui remit les 5 000 francs contre l'adresse de cette femme mystérieuse, désignée sous le nom de Marquisette. Bobineau dut se contenter de cette indication, et repartit sans plus tarder pour Paris, après avoir toutefois prévenu l'avorteuse que si elle trahissait, elle ferait sans plus tarder connaissance avec la justice. Il rapportait à Germaine une simple adresse, rien de plus. La mère Bachue s'étant refusée à fournir aucun détail, jurant ses grands dieux qu'elle était uniquement payée pour cela, et que d'ailleurs, elle ne se rappelait rien autre chose. Il était alors 1 h après-midi. Germaine, qui avait défendu sa porte, fit lestement une toilette très simple dès que Bobineau lui eut fourni cette adresse à laquelle elle tenait tant. Puis elle se prépara séance tenante à sortir. « Vous ne voulez pas que je vous accompagne, Germaine ?» demanda Bobineau, pris au fond d'une vague inquiétude. « Non, merci, mon ami. Je ne cours aucun danger. Vous savez d'ailleurs que je suis femme à me défendre. » « Sans doute. Mais je n'aime pas vous voir partir ainsi toute seule en expédition. Malgré tout, je ne suis pas rassurée. C'est seulement l'affaire de 2 heures. Vous allez retourner là-bas. On a besoin de vous. Et j'irai moi-même vous retrouver ce soir. Pour dépister ceux qui peut-être nous surveillent, je prendrai cette fois par la ligne de Saint-Germain le tramway du Pec, et je m'arrêterai à la selle Saint-Cloud où la voiture m'attendra. Allons, au revoir mon bon, mon cher Bobineau. Au revoir Germaine. Et surtout, ouvrez l'œil. Que vous êtes enfant. J'ai mon poignard, mon revolver. Vous savez où je vais, nous sommes à Paris, en plein midi. C'est que, voyez-vous Germaine, Paris, celui que nous fréquentons en ce moment. Le Paris mystérieux et criminel est une véritable succursale de la défunte forêt de Bondy. » Tous deux échangèrent une amicale poignée de main, et Germaine sortit à pied, sans paraître aucunement se cacher, sachant que le meilleur moyen de duper les espions est d'agir sans mystère. En femme qui connaît son Paris sur le bout des doigts, elle arrêta une voiture et indiqua brièvement au cocher son itinéraire. Avenue d'Iéna, boulevard des Lessers, rue Renoir, rue La Fontaine et rue de Ribéra. Il faudra arrêter au coin de ces 2 rues. 25 minutes après, le cheval stoppait à l'endroit indiqué. Germaine descendait, payait sa course, donnait un bon pourboire et enfilait délibérément la rue entièrement déserte. Arrivée à peu près au milieu, elle s'arrêta devant un grand mur près d'une grille et murmura. C'est là. Au moment de sonner, elle eut pourtant une vague hésitation. Ce mur nu et si haut, comme celui d'une prison, cette grille, peinte en brun foncé, blindée de tôle jusqu'en haut, tout cela, malgré sa vaillance, l'impressionna. Elle réagit bravement et pour s'enlever toute réflexion, tira vivement la poignée de nickel. Elle entendit une série de carillons qui se répercutaient de 3 ou 4 côtés et songea. Cette marquisette est bien gardée. Elle ne croyait certes pas si bien dire. Brusquement, la porte s'ouvrit. Elle n'eut que le temps d'entrer quand, non moins brusquement, le lourd panneau de métal se referma derrière elle. En avant se trouvait une cour spacieuse, avec de beaux grands arbres émergeant de pelouses entre lesquels zigzaguait une large voie carrossable soigneusement sablée. Au fond, un vaste corps de bâtiment, avec en retour des communs fermant la cour de 3 côtés. À droite, un logement de concierge percé d'un guichet, et où se tenait un homme dont la livrée rappelait plutôt celle d'un garçon de bureau. Elle frappa au guichet. L'homme se leva, salua poliment, et lui demanda ce qu'il y avait pour son service. « Je voudrais, répondit avec assurance Germaine, voir une personne dont j'ignore le nom véritable et dont je connais seulement le surnom, Marquisette. J'ai à lui faire une communication très importante, et je désire savoir si effectivement elle est ici, ensuite si je peux la voir. » « Elle demeure en effet ici, » répondit l'homme en regardant Germaine avec une sorte de curiosité qui, d'ailleurs, n'excluait pas la déférence. « Ah, tant mieux !» pensa Germaine. « Cette affreuse vieille a donc dit la vérité. » Puis elle ajouta aussitôt à voix haute, parlant au gardien. « Puis-je la voir de suite ?»« Je crois que rien ne s'y oppose, mais elle est indisposée depuis quelque temps. Elle ne quitte pas son appartement. » « Voudriez-vous, madame, lui faire passer votre nom ?»« C'est inutile, car elle ne me connaît pas. »« Alors je vais prendre sur moi de vous faire conduire près d'elle. »« Vous m'obligez infiniment, » dit Germaine en lui glissant un louis dans la main. Le gardien remercia d'une inclinaison de tête, offrit un siège et appuya sur un timbre électrique. Germaine s'assit, très intriguée, se demandant où elle pouvait bien être, inspectant d'un rapide coup d'œil ce grand bureau noir. Ses registres à dos et à coins de cuivre, ce copie de lettres avec sa presse, le grand tableau où venait se réunir une série de fils électriques et enfin l'appareil téléphonique. Une minute à peine s'écoula. Bientôt, elle vit arriver une femme de haute stature, avec larges mains, aux gros pieds, à la taille homasse, toute mâle et carrée. Vêtue de lainage gris, coiffée d'un bonnet blanc et portant un long... coiffée d'un bonnet blanc et portant un long tablier de toile dure avec des bouts de manchettes de charcutière, cette femme avec ses yeux bridés, son nez camus, sa large bouche, ses bajoux de truie, avait l'air tout à la fois d'une garde-malade, d'une cuisinière et d'une de ces robustes matrones qui, aux gares frontières, fouillent les voyageuses suspectes. « Tenez, Joséphine, lui dit le gardien, voici une dame qui voudrait voir Marquisette. Vous allez de suite la conduire. » La femme fit une révérence étriquée, grimaça un sourire qui avait la prétention d'être aimable, et répondit d'une petite voix de criquet qui contrastait singulièrement avec son énorme stature. « Si madame veut bien m'accompagner, je vais conduire madame. »« Je suis prête, » fit simplement Germaine. « Partons. » Elle ne vit pas le regard singulier qu'échangèrent ces deux personnages et pensait « Marquisette est sans doute quelque subalterne pour que ces gens en parlent si familièrement. » La femme, répondant au nom de Joséphine, lui fit traverser une partie de la cour, puis un vaste hall ouvert à l'avant et formant comme un préau vitré. Elles débouchèrent bientôt dans un immense jardin planté d'arbres superbes. Platanes, sycomores, acacias, frênes, ormes, tous couverts de feuilles et surgissant de taillis éparses çà et là comme des bouquets de verdure se tenant avec des corbeilles de fleurs. Partout, des allées sablées soigneusement entretenues, des pelouses d'un beau vert tendre, formant à une douzaine de pavillons, isolés comme autant de villas, un entourage vraiment exquis. On se sentait à la campagne, loin du tapage assourdissant de la grande ville. On respirait un air plus pur. L'âme goûtait un calme infini, au milieu de ce coin ensoleillé, où chantaient les oiseaux, où bourdonnaient les insectes, où s'ébattaient les papillons. En vérité, c'était féerique. Et pour un moment, Germaine resta sous le charme. « Par ici, madame, par ici !» fit Joséphine en lui montrant un pavillon, formant un rez-de-chaussée avec 4 fenêtres et une porte. Devant le pavillon se tenait une autre femme vêtue comme la première, d'aspect non moins vigoureux, aussi homasse, et comme elle, obséquieuse, avec un je ne sais quoi de brutal et d'implacable. « Veuillez vous donner la peine d'entrer, madame, » dit la seconde femme. « Marquisette ? » fit Germaine. « Elle est au lit, mais ça ne fait rien. Entrez ! Mais entrez donc !» Au moment où Germaine franchissait le seuil, elle intercepta ce regard qu'avait échangé Joséphine avec le gardien et que les deux femmes se lancèrent. Aussitôt, elle flaira un piège, une embûche, et bondit en arrière. Avec l'habileté d'un lutteur de foire, Joséphine se jeta sur elle, et de ses deux bras aussi vigoureux que ceux d'un homme, le plus robuste la ceintura. Comprenant seulement qu'elle est tombée dans un guet-apens dressé avec une habileté infernale, Germaine pousse un appel vibrant et désespéré. « Au secours ! Au secours !» Et comme ses mains sont encore libres, elle essaie de tirer de sa poche le poignard qu'elle porte toujours. En même temps, elle fait un effort terrible, et saisissant de l'autre main la commère par l'oreille, elle la lui décolle à moitié. La douleur fait lâcher prise à l'athlétique femelle, qui laisse échapper un hurlement de rage. Décoiffée, la joue ensanglantée, la petite queue de cheveux vrillés en queue de cochon sur la nuque, les yeux injectés, elle apparaît grotesque et terrible. Une vraie brute qui a une consigne, et va l'exécuter tout de travers, à tort ou à raison. « À moi, Catherine !» dit-elle à sa camarade. « À moi, Catherine !» dit-elle à sa camarade. « À moi ! Elle va nous échapper ! Sûrement qu'elle est enragée !»« Bah !» fit l'autre. « Nous en avons vu de ces agités dangereuses que nous avons fait capituler !» Germaine ne comprenait pas. Agitée, dangereuse, et voulant sortir, se jeta vers la porte en poussant un nouveau cri d'appel. Prompte comme la pensée, Joséphine, malgré sa masse et très bravement d'ailleurs, s'élança en criant. « Vous ne passerez pas !» Germaine, ayant réussi à tirer son poignard et le bras levé, prête à crever l'affreux paquet de chair qui lui barrait la sortie, cria. « Place, coquine, ou je te tue !»« À moi ! La lance !» hurla Joséphine. Brusquement, elle saisit le long du mur où il reposait sur deux crochets un long tube de cuivre adapté à un tuyau de caoutchouc et le braqua sur la face de Germaine. Avant que celle-ci eût le temps de frapper, elle recevait en pleine figure un énorme jet d'eau rapide et puissant comme celui d'une pompe à incendie. Stupéfaite, saisie, glacée, à demi terrassée par le choc, aveuglée, Germaine recula, ne voyant plus, la bouche pleine, incapable de respirer. Catherine, en même temps, l'attaquait par derrière, l'étreignait à la faire défaillir pendant que le jet l'inondait. Son poignard lui échappa. Toute frissonnante, échevelée, ses vêtements collés à la peau, ne sachant plus ce qu'elle faisait, elle ne put que balbutier. « Laissez-moi ! Je veux partir, je ne vous ai rien fait ! Laissez-moi !» Implacable et grotesque, le supplice de la douche continuait. L'eau ruisselait partout après s'être écrasée sur la face, la poitrine et les membres de l'infortunée. Catherine serrait toujours, sans se préoccuper des éclaboussures, familiarisée avec cette lutte étrange qui n'avait pas de surprise pour elle. Germaine, pâmée, incapable de résister, tomba n'en pouvant plus. Joséphine remit la lance en place et empoigna Germaine par les pieds, pendant que Catherine, lestement, lui attachait les mains avec une sangle. Avec une habileté indiquant une singulière aptitude professionnelle, Joséphine en même temps lui entravait les jambes et la mettait dans l'impossibilité absolue de faire un mouvement. Cela fait, elles emportèrent Germaine dans une pièce voisine, la déshabillèrent en un tour de main et se mirent à la frictionner énergiquement avec des gants de crin. La réaction s'opéra, et Germaine, suffoquée, respirant à peine, à demi pâmée, revint à elle. Se voyant complètement nue, son beau corps exposé à la curiosité des deux femelles qui la regardaient avec une impudance tranquille, elle eut une suprême révolte et se tordit convulsivement sous ses liens. Elle sanglotait de honte et de fureur, et bégayait. « Oh, l'infamie ! Me traiter ainsi !» Joséphine, plus éloquente que sa camarade, essayait de la raisonner. Sans paraître lui conserver la moindre rancune de son attaque et de sa vigoureuse défense, elle lui disait, de sa voix de criquet, avec des inflexions bonasses, comme avec un enfant rageur ou une malade irresponsable. « Allons, ma petite, faut vous calmer, c'est pour votre bien, voyez-vous. Faudra être raisonnable et nous vous soignerons bien. » Et très doucement, avec une dextérité surprenante, elle lui mettait une chemise, lui passait la camisole de force, l'attachait à son lit. Et Germaine, atterrée, vaincue, disait avec une anxiété qui faisait trembler sa voix. « Mais je n'ai pas besoin de soins. Je ne suis pas malade. »« Aussi ?»« Mais non, vous vous trompez. Je suis venue voir une personne que l'on m'a affirmé être ici. » »« Oui, Marquisette. Vous la verrez, mais plus tard. » Enfin, me direz-vous où je suis et pourquoi l'on me traite ainsi ? Vous êtes dans la maison de santé de docteur Castanet. Et nous vous avons mis la camisole après vous avoir douché parce que, comme cette pauvre marquisette, vous êtes folle. Vous entendez ? Folle alliée. Germaine eut un éblouissement. Ne pouvant comprendre encore l'atroce vérité, croyant à un malentendu qui allait s'éclaircir, espérant qu'une protestation raisonnable formulée par son cerveau parfaitement sain lui ferait ouvrir la porte. « Mais, dit-elle, je ne connais pas ce docteur et je n'ai nul besoin de soins. Je ne suis pas folle. Qu'on envoie chez moi, qu'on interroge les personnes de mon entourage, mes sœurs, mes amis, mes domestiques, chacun répondra que je suis en parfaite santé. Je suis venue seule ici, en voiture. J'ai quitté cette voiture au coin de la rue Ribera. J'arrive en visiteuse. Voyons, écoutez-moi, pesez mes paroles et dites-moi de bonne foi si ce sont là des propos d'aliénés. Non, certes, je ne suis pas folle. » Les deux femmes l'écoutaient, avec cette condescendance que l'on a pour les gens qui délirent. À la fin, Joséphine répondit gravement. « Connue l'ancienne, ils disent tous ça. Allez entendre, il y aurait des fous ici que le docteur et les gens de service. Pauvre petite femme, c'est dommage, car elle est crânement belle. Enfin, on la guérira peut-être. »